Il vient d'avoir 15 ans, toujours seul dans la vie, ignorant que le temps a jamais lui appris. Chaque matin, il espère qu'il vient. Peut-être des milliers de ces enfants d'amour viendront m'accompagner et vivre un nouveau jour. Ils sont partis un jour, oubliant ce petit résultat d'un amour qui a duré une nuit. Ne pleure pas petit, beaucoup sont comme toi à vivre sans famille, seul dans leur désespoir. Peut-être des milliers de ces enfants d'amour viendront m'accompagner et vivre un nouveau jour. Peut-être demain, tous ces petits enfants se tiendront par la main pour oublier le temps. Pour eux, la fête des pères, ils ne jamais vu. Pour eux, la fête des mères.